sleepless. Chaque note d'harmonica pleure ses chaînes. Riders qui l'avance, chapeau baissé dans la poussière où l'histoire s'est figée. Le bois craque sous ses palans. L'air pèse lourd comme un serment. Un vieil harmonica s'élève au loin. Il répond au cœur des anciens. Les rayons grincent comme grisons. En encore. Chaque rayon devient décor. Le vent siffle, l'harmonica gémit comme un psaume dans la nuit. Chaque souffle grave écrit l'histoire. Notre tremble de mémoire. Un vieux blues coule dans l'air sec. Un cri profond, brut et rêche. Il marche seul. L'harmonica parle. Chaque note pèse comme une dalle. Rider Skill grave son nom dans l'air. Une complainte brute, légendaire. Le désert pleure, le bois soupire. Chaque note brûle comme un martyr. La voix rauque et le souffle uni chantent ensemble l'infini. Through the dust, through the pain, unholy dead call. Shadows grow. Chaque rayon se fait sanctuaire. Chaque souffle une prière. Rider Skill chante au crépuscule. Et l'harmonica roule en pendule. Tout s'apaise. L'air s'emplit d'une longue braise. Sa voix rouge. ressembler encore les chemins. Through the dust, through the pain, unholy dark calls my name. Rider's skill walks proud and slow in the west, where shall